Il est 18h et vous êtes sur Radio Dio 89.5. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Grémos du mercredi 13 novembre 2024. Alors, pour cette troisième émission de la saison, le Grémos donc s'associe aux archives municipales de Saint-Étienne à l'occasion de l'exposition numérique « Coup d'envoi, sport et handicap, récit d'une aventure stéphanoise » et nous recevons en studio la médiatrice culturelle des AMSE, Caroline Costil. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Caroline. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, tu seras accompagné tout au long de cette émission par l'historien Jean-Michel Stenner. Bonjour Jean-Michel et merci de ta présence. Bonjour Karine, bonjour Caroline et c'est un plaisir de te retrouver dans ces studios. Bonjour Jean-Michel, plaisir partagé. Alors j'aimerais rappeler à nos auditeurs qu'en juin dernier, nous avions reçu Pierre-Régis Dupuis, donc le directeur des archives municipales, pour une émission dédiée également à cette exposition. Et lors de cette émission, il avait retracé l'histoire du handisport à Saint-Étienne. Alors cette émission, vous pouvez la retrouver dans les podcasts sur le site de Radio Dio ou sur le site du Grémos, www.grémos.fr. Et aujourd'hui, avec notre invitée, Caroline Costil, médiatrice culturelle, nous allons aborder dans cette exposition sous un autre angle, celui de la médiation, justement, autour d'un support numérique, puisque cette exposition se présente uniquement en numérique. N'est-ce pas, Caroline ? Tout à fait, c'est un petit peu une nouveauté pour nous, puisque ce n'est pas un support que nous avons l'habitude d'utiliser. C'est une expo numérique, une exposition en ligne, une exposition virtuelle, c'est-à-dire que c'est une exposition qui n'est pas in situ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller la visiter sur place. On peut venir consulter l'expo, on a installé une bande de consultation, mais l'idée c'est que cette exposition soit accessible pour tous et partout via une connexion internet. Et nous avons travaillé particulièrement la question de l'accessibilité. Pour visiter cette expo, il suffit de se rendre sur le site www.exposition-sport-handicap.fr. On rappelle l'adresse www.expositionsporthandicap.fr. Tout à fait. Et donc cette exposition, c'est une nouveauté pour les archives municipales. Alors c'est un média différent, mais ça reste une exposition des archives municipales et métropolitaines. Et le but principal d'une exposition des archives, c'est de valoriser nos fonds, en l'occurrence cette fois-ci le fonds Magui Pelletier, ainsi que nos fonds iconographiques que nous avons l'habitude de valoriser. Nous avons aussi utilisé cette fois-ci les fonds de la Cinémathèque de Saint-Étienne. On va y revenir sur les fonds de la Cinémathèque. Simplement, je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots sur qui est Magui Pelletier. Alors, Magui Pelletier, c'était une militante associative. C'est quelqu'un qui a fait partie, dès les années 60, de la première association créée par Yvenem en 1962 qui s'appelait la SHPL. Qui est l'association sportive des personnes handicapées de la Loire. Mmh. Et elle faisait partie de cette association plutôt en tant qu'accompagnatrice. Elle accompagnait les handicapés aux entraînements, à la piscine, au stade. Et ce qui nous intéressait beaucoup, c'est que c'est elle qui a conservé les archives de l'association. Ça consiste en quoi, alors, ces archives ? Il y a de tout ? Alors, il y a de tout. Il y a, on va dire, une revue de presse, des procès-verbaux d'assemblée générale, des photos. Voilà. Elle a conservé. Trésorerie aussi, un peu ? Pas tellement. Non. Non. Des photos. Pas la trésorerie, des photos. Et essentiellement des pièces administratives, mais pas de trésorerie. C'est volumineux comme fond ? Pas tellement. Non. Pas tellement. C'est pas un très gros fonds. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a poussé les archives municipales à choisir, faire le choix d'une exposition numérique? Alors, cette exposition « Coup d'envoi, sport et handicap récit d'une aventure stéphanoise », elle s'inscrit d'abord dans un dispositif qui est celui des Olympiades culturelles, qui visait à associer les structures culturelles à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques en France. C'est dans ce contexte-là que les archives municipales et métropolitaines ont été amenées à réfléchir sur ce qu'elles pouvaient proposer sur cette thématique. Et c'est de cette manière-là que le fonds Magui Pelletier, qui nous a été donné en 2015, est apparu comme celui que nous souhaitions valoriser. Voilà. Et donc, c'est, bien sûr, ça s'inscrit dans le cadre de l'année olympique. Tout à fait. Il y avait une commande municipale aussi derrière, non? Ouais. Plus ou moins. L'idée, c'était que chaque structure culturelle participe à sa manière à cet événement qui a été l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques dans la ville. Bon. Mais il y avait aussi un problème technique, je crois. Alors, en effet, on se heurtait à un problème technique de taille puisque notre bâtiment, notre structure, aujourd'hui n'est pas accessible, n'est pas tellement accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce qui nous a amené à réfléchir et puis à trouver que l'exposition virtuelle, finalement, nous permettait de pallier cette difficulté d'accessibilité, même si ça nous a demandé beaucoup d'efforts par ailleurs, parce que ce n'est pas seulement l'idée de se rendre dans un lieu, mais vraiment de pouvoir rendre ce site accessible. Donc, bâtiment des archives municipales, dont on rappelle qu'il se situe 164 cours Fauriel et qu'il a été bâti au début des années 60. En 1957, exactement. 57, enfin, il est inauguré en 60, voilà, si je me souviens bien. Et c'était au départ le bâtiment des archives départementales. Et donc, c'est dans ce bâtiment que vous êtes encore pour 2 ans, en principe. Normalement. Voilà. Donc, difficulté d'accessibilité auquel on pallie par l'exposition numérique. Alors, comment avez-vous préparé cette exposition? Alors, ce qui a été un petit peu nouveau pour nous, c'est que dans cette expo consacrée au handicap, eh bien, on a été accompagné tout au long de notre travail par la direction accessibilité et handicap de la ville de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole, oui. Et en particulier par Aline Garnier qui nous a suivis, qui nous a mis en lien avec diverses associations de personnes en situation de handicap de manière à répondre au mieux à leurs besoins. Tu peux nous dire qui est Aline Garnier, parce que moi je ne la connais pas personnellement. Bah, Aline Garnier, elle est chargée d'accessibilité à la ville de Saint-Étienne. Non, pas du tout. Ah. C'est un agent de la collectivité qui travaille comme nous, mais qui nous a vraiment accompagnés et qui a fait le lien entre notre équipe des archives et les associations de personnes en situation de handicap. Alors, tu parles de commission d'accessibilité, il y en a plusieurs. Alors, en fait, c'est cette commission qui se réunit plusieurs fois par an. Ouais, sur différents thèmes. Voilà, sur différents thèmes et auxquels nous avons été invités à participer de manière à leur présenter. Cette commission réunit plusieurs associations autour du handicap. Mmh. Et Aline Garnier nous a invités à y participer de manière à ce que les associations donnent leur avis sur le niveau d'accessibilité de l'exposition. Est-ce que tu peux nous donner les noms de ces associations ou... Non. Alors, il y a par exemple les Paralysés de France, l'APF, de mémoire, il doit y avoir la MAVU pour les... Voilà. Alors, tu vas nous donner des exemples de besoins auxquels vous avez été confrontés pour répondre... Alors, on a essayé en effet question d'accessibilité. De lister les types de handicaps que nous... auxquels... Il fallait apporter une aide. Mmh. Par exemple, pour tout ce qui concerne les handicaps visuels, eh bien, on a sur le site de l'exposition la possibilité de choisir la taille du texte, le contraste. Les documents sont lus, les films sont audio décrits. D'accord. Voilà, pour le handicap visuel. Pour le handicap auditif, eh bien, les films sont sous-titrés. Et puis, on s'est heurté aussi à la question du handicap cognitif. Alors, notre souci principal, c'est que nous avons l'habitude d'écrire des textes d'exposition. Oui. Mais écrire en français simplifié, c'est une autre affaire. Donc, pour l'instant, on n'a pas terminé ce travail-là. C'est un travail que nous poursuivons. Mais l'idée, c'est d'avoir un site miroir en français simplifié de manière à être accessible aux gens atteints de handicap cognitif. D'accord. Donc, c'est un travail long. Si c'est un travail... On reprend des textes. Très long. On reprend l'intégralité des textes en les simplifiant au maximum, tout en gardant l'idée principale de chacun d'entre eux. Bon. Et dans la salle de lecture des archives, donc, on peut la consulter. Alors, en effet, on a installé une grande table numérique qui permet la consultation de l'exposition sur le site des archives. Avec des écouteurs, avec... Avec des écouteurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comme on a une table numérique, ben on a une vision assez large, enfin un écran très très grand pour visionner le site. Bien. Alors, une fois qu'on a vu les grands principes des besoins auxquels vous deviez répondre, faciliter l'accès pour les personnes qui ont des handicaps divers, qui a préparé cette exposition ? Enfin, vous, évidemment, le service des archives, toi, Caroline, avec Juliette Moret, avec Juliette Morin, Pierre-Régis Morin. Pierre-Régis Dupuis et Cédric Nougaret. L'équipe de médiation autour de l'expo, mais il a fallu... Vous avez fait des appels extérieurs. Évidemment, on s'est entouré de professionnels pour répondre à des compétences très précises dont nous avions besoin. Donc on s'est tourné vers l'agence ONA, qui est un studio de création auditif et sonore. C'est un studio stéphanois. Et situé rue de la République. Tout à fait. Et Franck Jiménez, donc, qui est développeur web et monteur vidéo, c'est lui qui a conçu l'intégralité du site. Et il a été accompagné pour cela par Yves Durif, qui est illustrateur de métier et qui, lui, a travaillé davantage sur les outils de communication, que ce soit l'affiche, tout ce qui est graphique sur le site. Et là, c'est eux qui ont fait quand même un gros travail d'accessibilité. Par exemple, on s'est heurté au problème d'habitude, une affiche, on cherche l'esthétique. Là, on s'est moins focalisé sur l'esthétique, mais davantage sur la lisibilité. Il fallait que les couleurs utilisées soient lisibles pour les daltoniens, par exemple. Enfin, il y avait toute une série de critères auxquels on n'est pas habitué quand on travaille sur une expo ordinaire, on va dire. Et c'est des critères auxquels on a fait attention cette fois-ci. Je ne suis pas daltonien, j'ai une bonne vue en général, mais je confirme que quand c'est écrit en jaune sur du marron, par exemple, ou en jaune sur du rouge, c'est pénible. Donc, ce genre de choses, vous avez fait attention. Il y avait un pourcentage de... Alors, pour l'affiche, elle est bordeaux et jaune clair. Ouais. Et il y avait vraiment un dosage très précis des couleurs, de manière à ce que ce soit accessible aux daltoniens, en particulier... tout ce qui est graphisme du site, vous verrez que c'est très très sobre, mais c'est d'abord un souci de lisibilité. On est principalement en texte blanc sur un fond noir, avec la possibilité d'inverser les couleurs si besoin. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est sur l'écran, effectivement. Ouais. Donc l'agence ONA, et puis autre partenaire. Alors, on a travaillé avec les 87 revanchards. C'est curieux ce nom-là. Ouais, notamment avec Adrien Milliot, qui est réalisateur, en fait, qui est vidéaste, avec qui on avait déjà travaillé sur notre précédente exposition en guerre d'Algérie, et là, qui a réalisé avec nous le recueil de témoignages. On a souhaité en effet recueillir les témoignages puisqu'il nous restait quelques témoins de la période d'Yvenem, hein, qui est le fondateur de l'association SHPL, qu'on a souhaité enregistrer, mais on a aussi... Par exemple, des noms, tu te souviens de noms ? Je vais t'en donner. D'accord. On a aussi souhaité interroger les gens qui s'occupent aujourd'hui du handisport. Donc parmi les gens que nous avons interviewés, nous avons Pierre Bayard qui lui était présent dès les années 70 dans les dans l'association ASHPL qui a connu Yvenem et qui est aujourd'hui président du comité handisport de la Loire. D'accord. On a également interviewé Sébastien Lioud qui lui travaille au comité handisport et qui est technicien. Donc ça, c'était plutôt sur le plan, on va dire, associatif. Mmh. À côté de ça, on s'est tourné vers le volet médical en interviewant le docteur Paul Calmels du CHU de Saint-Étienne, qui travaille en médecine physique de réadaptation, qui a aussi été témoin des années 70-80 et qui a travaillé avec le professeur Miner, qui était à l'origine des premières de la création de ces services et des premières tentatives. C'est eux qui ont commencé à vraiment utiliser le sport comme moyen de réadaptation à Saint-Étienne. Ouais. Hein. Uh-huh. Voilà. D'accord. Donc, de côté médecine, il n'y a pas de kiné, de choses... On n'a pas interviewé de kiné, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas participé. Oui, je parle des témoins. C'est que parmi les témoins, ben voilà, on a eu l'occasion de rencontrer Paul Calmels. Mm-hmm. Il a aussi répondu à notre appel, parce que ça aussi, c'est un critère. Il faut aussi que les témoins soient volontaires. On s'est tourné aussi sur un élu aussi. Sur un élu, parce qu'on a on a la chance entre guillemets d'avoir Jean-François Chaussy qui est ancien député de la Loire et qui était le rapporteur de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc on l'a interviewé et son témoignage est En ligne. En ligne, tout à fait, dans l'exposition. Et enfin, le dernier qu'on a pu interviewer, c'est Yann Bourdier. Alors Yann Bourdier, c'est un nageur stéphanois qui a eu l'opportunité de participer aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008 et qui nous a raconté son expérience. Voilà. D'accord. On a essayé un peu d'avoir un panel de différents acteurs de ce monde du handicap et du sport. Et donc, au-delà des acteurs, des partenaires, il y a eu le travail de recherche des documents. Ouais. Alors, ce travail de recherche, pour le coup, il ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de faire, puisque ce premier travail s'est tourné d'abord vers les fonds des archives municipales et métropolitaines. Donc, d'abord le fonds Maggy Pelletier. Le fond, la tribune, le progrès pour les images, mais aussi pour les articles de presse. Le fond Crépé, qui est un fond iconographique. On s'est également tourné vers la cinémathèque. Oui. Hein. Excuse-moi, sur le fond de la tribune, c'est facile, il y a une indexation où il a fallu faire... Non, non. Alors... En fonction des dates La recherche, elle peut se faire en fonction des dates, en effet, dans la presse. Quand on connaît comme les dates. Tu connais bien le problème. Ou grâce aux photos. Parce que là, les photos, parfois, sont indexées et datées sur la période qui... D'accord. qui nous concerne. Et le fond Crépet, ça consiste en quoi ? Le fond Crépet, c'est un photographe, donc c'est un fond icono. Ah. C'était un photographe de presse ou... Non. C'est privé ? Non, ouais. D'accord. La Cinémathèque, donc là, je crois qu'il y a un fond important. Alors, à la Cinémathèque, on a les films de Jean-Claude Parère. Et Jean-Claude Parère, c'est quelqu'un qui a suivi Yves Nehm. Mm-hmm. Puisque Yves Nehm, eh bien, il faisait fonctionner son association un peu comme une entreprise dont il aurait été le VRP et il avait une sorte de service de communication. Donc Jean-Claude Parère qui faisait des films faisait un peu partie de ce service, ce qui nous permet d'avoir de nombreuses traces des actions menées par Yves Nehm et notamment de tous les jeux mondiaux qui ont été utilisés, qui ont eu lieu, pardon, à Saint-Étienne. Et la Cinémathèque conserve beaucoup de ces films-là. Et vous avez travaillé avec l'université aussi ? Alors, avec des universitaires, notamment avec Anne Marcellini, qui est professeure de sciences sociales du sport et de l'activité physique à l'Université de Lausanne en Suisse, et qui nous a confié une grande partie de ses matériaux de recherche, puisqu'elle avait, elle, travaillé sur l'épopée stéphanoise, enfin ce qui s'est passé vraiment à Saint-Étienne dans le cadre du handisport, et elle nous a confié notamment des rushs de films qui ont pu être montés par nos collègues de la Cinémathèque qui sont aussi présents dans l'exposition. Et vous êtes allé jusqu'à Lausanne pour retrouver ces documents alors ? Non, on n'est pas allé jusqu'à Lausanne. Nous avons utilisé les moyens modernes, on a fait des visios et elle nous a envoyé par mail. D'accord, très bien. C'est dommage d'ailleurs. Oui, c'est une très belle ville. Tout à fait. Ouais. Alors, je crois qu'on va faire une petite pause en écoutant un témoignage, une lecture plus exactement. On va écouter en effet une lecture de Roland Bouly, puisque toujours pour rendre ce site le plus accessible possible, eh bien, nous avons fait lire certains documents. Et là, c'est le comédien Roland Bouly qui va nous lire une lettre d'Yves Nehm de 1971 qui dénonce les dysfonctionnements au sein de la Fédération nationale et qui propose sa candidature à la présidente de la dite fédération. Association de la FFSHP. Cher président et ami, dans la perspective de la prochaine Assemblée générale de notre fédération, le 28 mars 1971, nous désirons vous faire part des observations suivantes. Le fonctionnement de la FFSHP nous paraît comporter de graves lacunes en ce qui concerne l'administration, les questions financières, les sports et l'esprit général. L'administration fonctionne mal. Les promesses ne sont pas toujours tenues. Au point de vue sportif, nous regrettons le galvaudage de la notion d'international. L'absence de sélection, par exemple, pour les Jeux de Kerpap, l'énorme délégation de 230 Français aux Jeux mondiaux de Saint-Étienne ont tendu à dévaloriser la notion du sport en laissant concourir des athlètes de moindre valeur. Mais surtout, nous constatons avec peine l'atmosphère tendue et de suspicion qui règne dans les réunions du comité de direction et les assemblées générales. Le manque d'initiative et d'élan aboutissent peu à peu à une démobilisation des associations qui sont écœurées. Conscient de tous ces problèmes, encouragé par la pleine réussite des Jeux mondiaux de Saint-Étienne et fort de son enthousiasme total pour le sport des handicapés physiques, Yves Nehm présentera sa candidature aux élections du 28 mars à l'Assemblée générale pour être membre du comité de direction et éventuellement président de la fédération. Nous vous invitons à réfléchir sur ce projet et au besoin à faire parvenir à Yves Nehm vos points de vue et suggestions. Tous les membres du comité régional Lyonnais, Forêt, Dauphine et Savoie sont pleinement d'accord pour soutenir sa candidature. Recevez, cher président et ami, nos bien cordiales amitiés sportives. Yves Nehm, Saint-Étienne, Dr Réti, Lyon, René David, Grenoble, Francis Boudet, Chambéry, pour Georges Fitoussi, Daniel Martina, Annecy. Vous êtes sur Radio Duo 89.5 dans l'émission du Grémos, émission dédiée aujourd'hui à l'exposition numérique des archives municipales de Saint-Étienne. Coup d'envoi sport et handicap, récit d'une aventure stéphanoise et nous retrouvons tout de suite notre invitée Caroline Costil, interviewée par Jean-Michel Stenner. Et Caroline, donc on vient d'entendre une lettre d'Yvenem lue par Roland Bouly. Yvenem qui parle de lui-même à la troisième personne. Bon, c'est vrai qu'il y a une signature plurielle. Est-ce que tu peux nous dire un petit commentaire? Parce que je crois que c'est un moment assez important dans l'histoire du handisport, qu'on appelle d'ailleurs pas encore comme ça en France. Alors c'est un moment crucial, ouais. Oui, dans l'histoire du handisport à Saint-Étienne et en France, puisque c'est le moment où Yvenem va créer une fédération indépendante qui s'appelle la FOP. En fait, pendant 5 ans en France, entre 72 et 77, il va y avoir deux fédérations pour le sport handicapé. La FFSHP qui va continuer telle qu'elle existait auparavant. Et comme on vient de l'entendre, eh bien, Yvenem dénonce des dysfonctionnements et décide de créer une fédération qu'ils appelleront dissidente. Et qui regroupera certains comités en France, donc les comités régionaux essentiellement, compris. Mais oui. Rennes, Tours également. Ah oui, et pendant 5 ans, entre 72 et 77, on va avoir ces deux fédérations, et c'est un peu la particularité stéphanoise. D'accord. Donc après avoir parlé de la façon dont vous, la conception même de l'émission, de l'exposition et de la façon dont vous avez travaillé. On va s'intéresser maintenant, parce que c'est tout à fait particulier, une exposition virtuelle. Comment effectue-t-on, dans le cadre des archives municipales, c'est une de votre mission, comment se fait la médiation? C'est-à-dire le lien avec le public qui va venir dans le... voir l'exposition ou qui peut la consulter à distance. Alors, c'est une question, tu t'en doutes, qui m'a... complexe. Qui est complexe et qui... qui t'a beaucoup... qui m'a tenu en souci pendant, pendant assez longtemps, parce que je me demandais d'abord comment aborder la question du handicap. Alors, on a deux types de public. Hein. On a public individuel, mais essentiellement le public scolaire qu'on accompagne. Et la question que je me posais, c'était surtout comment aborder cette question du handicap avec des enfants et par le biais d'une exposition numérique. Donc là, ça faisait quand même une équation à deux inconnues. Ouais, à résoudre. Et en fait, finalement, c'est un peu les médias qui m'ont orienté en montrant pas mal de sportifs handicapés et en montrant plutôt leur visage de sportif qu'en réfléchissant au travail que nous faisions, je me suis dit que peut-être il fallait aborder cette question-là par la pratique du sport. Ah oui. Plus que par le côté handicapé, c'est-à-dire vraiment mettre un peu le projecteur sur la pratique sportive et se dire que finalement ces handicapés sont des sportifs comme les autres. C'est ce que fait Jean-Claude Parer dans ses films quand il les photographie. Il photographie d'abord des sportifs avant de photographier des handicapés. Pour le coup, cette fois, j'ai eu besoin de tester un petit peu ce qu'on pouvait faire avec une classe. Et c'est ce que j'ai fait l'année dernière au mois de juin dans la classe de Maxime Ressio à l'école Saint-Jean-Baptiste à Montaux. En fait, j'ai cherché des sports qui pouvaient être accessibles aux enfants. Donc on en a retenu quelques-uns, notamment le basket fauteuil. Hein, c'est du basket pratiqué en fauteuil roulant. En fauteuil roulant, oui. Le cécifoot, c'est-à-dire jouer au foot quand on voit pas ou quand on voit mal. Oui, ça a l'air compliqué quand voilà, même. Voilà, ça a l'air compliqué. Donc, ça nécessite un matériel particulier, c'est-à-dire un ballon avec des grelots à l'intérieur qui permet aux joueurs de savoir où se trouve le ballon. La boccia, qui est un sport que j'ai découvert en préparant cette exposition, est une sorte de pétanque avec des boules en cuir et qui permet notamment aux handicapés moteurs de lancer sans trop bouger, sans être debout en fait, de lancer ces boules et de se rapprocher le plus près possible de la boule blanche qui ferait office de cochonnet en quelque sorte. Voilà, donc j'avais créé trois ateliers pour ces élèves et j'avais demandé à un quatrième groupe d'élèves d'être des reporters et de recueillir le ressenti de leurs camarades. Et pour le coup, eh bien, on va pouvoir les écouter, se parler et réagir à l'expérience qu'ils viennent de vivre. Tu me filmes ? Bah oui ! Ah, ok. Le sais-tu faute ? Connaissais-tu ce sport avant, aujourd'hui ? Oui. C'est vrai ? À quel sport te fait Tu me pensais ? Bah, le football. Quelle est la différence entre ce sport et celui que tu connaissais déjà ? Bah, ça, le sessi-foot, c'est le foot pour les aveugles et du coup, c'est un peu plus dur. Et à quel qui voit, il n'est pas aveugle et les autres, ils sont aveugles et ils doivent se tirer de marquer. Avec un bâton. As-tu trouvé que c'était facile? Non, c'était vraiment très dur. As-tu eu peur? Un peu. Es-tu prêt à participer à ce sport en compétition? Oui. C'est bon. Je crois qu'il a élaboré. Alors oui, ils sont tout petits, ils lisent les questions. Ils ont quel âge ? Là, c'était des CE1, donc ils avaient 7-8 ans, quoi. D'accord. C'était des petits. Et en plus, ils devaient se filmer avec des tablettes, ce qui rendait l'exercice un petit peu difficile. Mais quand même, on perçoit un petit peu de peur, un petit peu de... voilà, c'est pas si facile que ça. Ah ben le sessi-foot, ça nécessite un grand silence, et pour les élèves, c'est pas facile. C'est pas facile, de la concentration, et d'ailleurs on entend, en plus, ils étaient pas seuls, on entendait autour les autres groupes qui essayaient d'autres choses, et ça suscitait pas mal de réactions. Voilà comment, moi, j'ai choisi d'aborder cette question du handicap et du handisport avec les élèves. Ça, c'était c'est le premier temps que j'ai proposé. Ensuite, on a eu un temps de lecture d'images à partir d'une série de photos prises dans les années 70 où les sportifs handicapés sont d'abord montrés comme des sportifs et où parfois le handicap n'est pas visible. Et l'idée, c'était de leur montrer les photos sans leur dire que toutes les photos étaient des photos de sportifs handicapés et je leur disais, mais à votre avis, alors celui-ci, il est handicapé ou il ne l'est pas ? Et parfois, les élèves se disaient, non, il ne l'est pas, parce que visuellement, ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas alors que tous l'étaient. Ce sont des images fixes, pas des films. Là, c'était des images fixes. Ouais, c'était des images fixes en noir et blanc en plus. Qui sont extraites de films qui sont des Non, c'est vraiment des photos faites par Jean-Claude Parer. Ça doit être à l'occasion des Jeux de 70. C'est ça. Voilà. Et donc là, ils ont réfléchi sur ces photos. Vous les avez enregistrées aussi, vous avez... Alors là, on n'a pas enregistré. Ça s'est fait... Donc pour la première partie, ça s'est fait plutôt dans la cour. Ensuite, on est rentré en classe. C'était vraiment un test. Donc là, c'était à l'école. Cette année, dans le cadre de l'expo, tous les ateliers auront lieu aux archives municipales Cour Faurienne. Vous n'allez pas aller dans les écoles. On ne va pas aller dans les écoles pour une raison simplement logistique et de matériel qu'on a acheté qui sera disponible aux archives. Une question vient à l'esprit. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont souhaité faire ces ateliers? Alors, j'ai déjà... Alors, pour l'instant, c'était un test. Hein, c'est-à-dire que j'avais ciblé... c'est des classes avec lesquelles on... C'est une classe avec laquelle on a l'habitude de travailler régulièrement. On fonctionne beaucoup comme ça quand on veut tester de nouveaux ateliers. Et là, quand même, dans l'école, ils veulent revenir. Dans cette école-là, j'ai eu aussi quelques autres sollicitations pour l'instant. On a également proposé ces ateliers sportifs à l'occasion des Journées européennes du patrimoine au mois de septembre. Hein, et là, c'était public familial. Alors plutôt. Public plus individuel et familial, où on retrouvait le basket fauteuil, le cécifoot, la boccia. Et auquel on a ajouté un parcours à l'aveugle avec ce qu'on appelle un lien, ce qui permet aux coureurs handicapés d'être guidés, enfin, aux coureurs aveugles en particulier, d'être guidés par quelqu'un de voyant. Le handibike, hein, faire du vélo quand on n'est pas, quand on peut avoir des problèmes d'équilibre, par exemple, et la joëlette. Ah, la joëlette. La joëlette. Alors, c'est joli comme nom, et qu'est-ce que c'est que ça exactement ? Qu'est-ce que c'est que la joëlette ? La joëlette, c'est une sorte de chaise à porteur qui a été inventée par quelqu'un qui s'appelle Joël, qui cherchait un moyen d'emmener... Alors, c'est une invention qui n'est pas récente, hein, elle date des années 90, et ce Joël, il cherchait un moyen d'emmener son neveu qui était en fauteuil en randonnée. Et il a inventé cette chaise à porteur qui permet aux personnes à mobilité réduite de partir en randonnée. Et il se trouve que cette joëlette, elle est fabriquée par une usine locale qui s'appelle Ferréolmatra, qui est implantée à Roche-la-Molière et qui rend la randonnée possible aux personnes handicapées. Et pour les journées du patrimoine, eh bien, les valides ont pu tester ce matériel-là. En ce qui concerne le public individuel, est-ce qu'il y a des gens qui viennent aux archives déjà depuis quand elle est ouverte exactement l'exposition ? Alors c'est assez récent, hein, ça date mi-octobre. Et donc est-ce qu'il y a des gens qui viennent et qui posent des questions, qui demandent à être aidés pour la lecture ou... Alors pour l'instant, les gens qui ont pu consulter ont consulté seuls. Oui. J'ai pas vu de demande. Particulière à ce sujet-là. Est-ce que vous avez un moyen de compter qui va sur le site pour consulter l'exposition ? Alors oui, ça c'est possible. Hein, Donc on aura un bilan chiffré. On pourra avoir un bilan chiffré, oui, de la fréquentation, entre guillemets, de l'exposition, d'accord, puisqu'elle va se faire en salle de lecture, mais pas seulement. Puisque n'importe qui peut consulter l'expo depuis chez lui, depuis son smartphone, depuis un ordinateur. Voilà. D'accord. Alors, bien entendu, il y a dans le cadre de cette exposition toute une programmation qui est envisagée. Je ne sais pas si elle est encore exactement mise en place, mais envisagée par les archives municipales. Alors, en effet, on a des pistes de programmation. Hein, l'expo débute, mais on sait déjà qu'on aura une séance de projection à la Cinémathèque. Hein, les films de Jean-Claude Parer. Essentiellement, mais pas seulement. Hein, il y en a d'autres. Il y a aussi des films de Lina. Et puis, on imagine aussi un temps de recherche scientifique sur le handisport, puisque les archives nationales ont publié un guide qui montre beaucoup de lacunes sur ce sujet-là. Et ce serait intéressant de creuser un petit peu la question. Vous allez faire venir votre chercheuse de Lausanne ? Non ? Si elle sera... Anne Marcelline. Elle sera...

mettre en place ce site miroir qui permettra la possibilité, qui rendra possible la lecture en français simplifié. Ouais. Tout à fait. Et la maintenance du site est prévue pendant une année, c'est-à-dire que pendant une année, on va avoir la possibilité de mettre, de changer une image ou de modifier une légende. C'est comme ça que l'exposition va être vivante pendant l'année. La programmation sera évidemment annoncée sur le site des archives municipales de Saint-Étienne. Et puis, au bout de cette année, l'exposition restera en ligne, mais cessera d'être actualisée et sera archivée par nos collègues spécialistes de l'archivage numérique. Oui, il faut rappeler pour nos auditeurs que depuis une quinzaine d'années à peu près, les archives se posent la question de la conservation des archives numériques qui se prennent de plus en plus de place. Tout à fait. Alors, au-delà de la conservation des archives elles-mêmes, c'est le devenir du bâtiment des archives, puisqu'on a vu que c'était le fait que ce bâtiment ne soit pas facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc ce bâtiment va bientôt disparaître. Enfin, vous allez quitter ce bâtiment pour un nouveau site dans 2026, c'est ça ? En effet, cette exposition Hors les murs annonce les changements qui se profilent pour les archives municipales et métropolitaines dans les années à venir. Donc d'abord, nous avons beaucoup travaillé avec nos collègues de la Cinémathèque avec qui nous formons un seul et même service. Et ensuite, cette exposition marque d'une certaine manière le départ des archives du lieu qu'elles occupent actuellement, Cour Foriel, pour poursuivre leur travail au sein d'une nouvelle structure patrimoniale du côté de l'avenue Émile Loubet, dans des locaux qui, cette fois, seront accessibles à tous. Donc, dans le fameux bâtiment de grande hauteur qui est situé à proximité de l'ancienne Comédie. Tout à fait. Donc sur l'avenue Émile Loubet, et qui est en cours de rénovation et qui a été complètement transformé. Oui. Donc des gros travaux qui sont inscrits à l'agenda de l'actuel conseil municipal. Eh bien, Caroline, je te remercie pour toutes ces informations et j'invite évidemment les auditeurs à aller consulter cette exposition virtuelle sur le site des archives. Je rappelle l'adresse www.expositionsporthandicap.fr. Donc exposition sport handicap en un seul mot, .fr. Tout à fait. Et je pense qu'on peut y accéder aussi directement en allant sur le site des archives municipales. Alors il y a municipales. Un lien depuis le site et la programmation sera accessible sur le site des archives municipales. Bon, un grand merci. Comme l'a rappelé Karine tout à l'heure, on avait reçu Pierre Régis qui nous avait parlé de la mise en place de du projet au mois de juin. Et donc tu nous as aujourd'hui donné des indications très précieuses sur les aspects concrets de cette exposition que l'on peut consulter donc 24 heures sur 24. Tout à fait. Alors que le service, lui, n'est ouvert que de 8h30 à 17h30. C'est ça. 164 Cours Foriel et pas le samedi et le dimanche. Bon. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci Caroline. Et on va parler de notre agenda de l'émission, de l'agenda pour le mois qui vient. On a un certain nombre de choses à indiquer à nos auditeurs. Karine, je te donne la parole. Tout à fait. Donc, le premier événement aura lieu le 20 novembre dans le cadre de la 3e édition de Court-Circuit, rencontre théâtrale de Saint-Étienne et de la Loire. La Comédie de Saint-Étienne et l'association Aussitôt dit proposent une conférence de Serge Proust, maître de conférence émérite à l'Université Jean Monnet et membre tout aussi émérite du Grémos. Les intermittents du spectacle 35 ans de lutte. Elle aura lieu à la Comédie de Saint-Étienne. Le programme démarre à 10h et se terminera avec un échange avec le public de 11h30 à 12h30. Toutes les infos et les réservations sont à faire soit par téléphone au 04 77 25 14 14 ou par mail à invitation au pluriel @lacomedie.fr. Alors, en tant que membre et trésorier du Grémos, je vous signale à nos auditeurs que le Grémos tient son assemblée générale le jeudi 14 novembre à l'amicale laïque de Villebeuf-le-Haut. Amis auditeurs, vous pouvez nous rejoindre en adhérant pour la modique somme de 20 euros, en envoyant un chèque au Grémos 26 rue Arago, 42 100 Saint-Étienne. Et une assemblée générale, par définition, c'est public, donc... Voilà, tout le monde peut, c'est ouvert au public, tout le monde peut s'y rendre, effectivement. À l'amicale laïque de Villebeuf-le-Haut. Tout à fait, et donc au passage, nous en profitons pour remercier l'amicale laïque de Villebeuf-le-Haut de nous accueillir. Et on en profite aussi pour annoncer que dans ce même lieu, donc cette amicale laïque qui se situe 9 rue Horace Vernet, donc le théâtre des Trois Coups, proposera le vendredi 15 novembre à 20h un concert de la chanteuse et contrebassiste Pauline Dupuis, un concert donc consacré à Georges Brassens et intitulé Contre Brassens. L'entrée est à 15 euros, 8 euros à prix réduit. Les réservations sont à faire au 04 77 81 30 04. Autre information, cette année exceptionnellement, la fin de la troisième semaine de novembre commencera le jeudi 21 pour s'achever le samedi 23 avec un programme proposé par la Cinémathèque et l'association Culture d'Afrique en partenariat avec les archives municipales, le Mémorial Résistance et Déportation de la Loire et le Grémos qui se sont associés pour inviter le cinéaste algérien Malek Ben Smaïl. Alors que se commémore le 70e anniversaire de la guerre d'Algérie, auquel les archives municipales ont consacré une exposition, c'est le moment de découvrir ce cinéaste dont l'œuvre couvre non seulement la période du conflit qui mena à l'indépendance de l'Algérie, donc 54-62, mais aussi les années qui suivirent en soulevant les questions du passé et du présent de ce pays, le poids de la mémoire de la guerre dans la vie quotidienne des Algériens, la démocratie, les relations de l'Algérie avec le monde. Le programme complet est disponible sur la documentation de la Cinémathèque municipale et nous le mettrons également sur le site du Grémos. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Caroline, merci Jean-Michel. Merci Karine. Merci Karine. Merci Caroline. Amis auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos qui aura lieu mercredi 11 décembre 2024 à 18h. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle soirée sur les ondes de Radio Dio. Bye bye!